Não. Longe da vista, perto do coração. Bonjour à tous, il est 18h, vous êtes bien sur Arc-en-Ciel, 100% FM, 100% Union, pardon, sur Arc-en-Ciel 96.2. Aujourd'hui, nous allons avoir tout le résumé du week-end sur les peu de matchs qu'on a eus. Ensuite, on aura avec nous, enfin j'ai avec moi en studio des invités, donc deux joueurs de la catégorie U11 accompagnés de leurs parents. Donc on est un petit peu en course aujourd'hui parce qu'il y avait pas mal de circulation. Donc on va juste commencer donc avec une petite musique pour se mettre à jour nous de notre côté. Donc juste un petit souci technique là pour commencer, pas de souci, on va juste avant toute chose, je vais en profiter pour souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tout le monde, pour ceux qui le fêtent en tout cas. On va écouter une petite chanson avant de commencer. C'est parti. Ai, como ela é bela, bela demais. E eu só tenho pena, já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. Fiquei a saber que uma canção não chega. Há muito mais a fazer, pois quem não cuida perde. Eu não quis ver, pensei que ao serem de seda, todas as canções que escrevi, tu ficarias para sempre. Mas não te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Ai, como ela é bela, bela demais. E eu só tenho pena, já não saber como ela vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Espero que sejas feliz, já que te levaram de mim. De mim. Fiquei a saber que uma carta não chega. Há muito mais a dizer, pois quem não sente esquece. Acabei por ver que por mais que escreva, há muito mais a viver com quem só te merece. E eu não te dei atenção e deixei-te escapar por entre os dedos com os teus segredos e uma história por acabar. Como ela vai? Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. E só espero que sejas feliz, já que te levaram para longe, no só tenho pena. Já não saber como vai. Quando dei por mim, alguém viu em ti algo que eu não vi, então perdi. Eu só espero que sejas feliz e que um dia ainda voltes para mim. Pra mim. Vous êtes bien sur Arc-en-Ciel, 100% Union. On va passer tout de suite avec Samantha aux résultats du week-end. Donc on a eu pas beaucoup de matchs ce week-end, 3 matchs simplement. Donc les vacances scolaires aidant. Donc généralement pendant les vacances scolaires, les catégories jeunes ne jouent pas. Là, on avait un match qui était un match décalé pour les U15. Donc, c'est un match qui avait déjà été décalé deux fois à cause du Covid, donc qui a été joué samedi. On avait aussi un match amical des U17. Et pour terminer le week-end, on avait le classico Union Deportivo. Donc, Samantha, je te laisse nous donner les résultats du week-end. On va commencer par les U15. Les U15 ont rencontré Gien donc à Lillaro, à domicile. Sur terrain à 11, qu'ils avaient l'habitude de jouer sur terrain à 8. Ils ont rencontré donc l'équipe de Gien et les résultats, ça s'est soldé par 6 à 1 pour l'équipe de Gien. Après les U17, rencontrer l'Escale, pareil en match amical. Donc ça s'est fini à 4 à 3 pour l'Escale. Et nos seniors ont rencontré le Deportivo. Et ça s'est conclu par un nul 0 à 0. Donc comme le disait Samantha, effectivement, il y a une transition qui se fait à partir des U15 où on ne joue plus sur la moitié d'un terrain à 11, mais on passe vraiment sur un terrain à 11 complet. Donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile la transition pour nos U15. Donc on va juste écouter là pour commencer le résumé, les interviews des joueurs U15. Amadou, le capitaine de l'équipe U15. Alors Amadou, grosse défaite aujourd'hui pour votre premier match à 11. Qu'est-ce qui vous a manqué d'après vous? Je vais commencer d'abord. Bonsoir à vous. Notre équipe aujourd'hui, c'était un peu ridicule. On avait manque de défenseurs. On respectait pas encore les postes. J'espère que la prochaine fois, on fera mieux. Et d'après toi, ça va passer par quoi? Quels seront les ingrédients pour passer par des meilleurs résultats ou un meilleur contenu de match pour le prochain match, d'après toi? On doit travailler dur pour les entraînements, respecter le coach pour travailler encore plus de plus. Ça. D'accord. Je vous souhaite une bonne continuation et de meilleurs résultats pour les prochains matchs. Bon courage. Merci à vous. Nous expliquer selon lui ce qui a manqué aujourd'hui à l'équipe pour obtenir un meilleur résultat. À toi, Arlène. On a vu quand on est rentré, il y a plusieurs joueurs, ils n'ont pas assez mis de l'envie. Et on s'est entraîné à faire des tactiques et on les a pas mis en place pendant le match. Et le problème aussi, il y a eu la défense qui courait pas assez vite pour revenir vers le gardien pour défendre. Et aussi on avait vu quelques milieux qui eux ne lâchaient pas trop la balle. Voilà. Et maintenant on va parler que de toi. Qu'as-tu pensé de ton match à toi, Alem? J'ai pas assez bien visualisé le jeu et voilà, donc je vais travailler ça et je vais donner tout. D'accord. C'est un discours encourageant de Ralem. Merci à toi et bonne continuation. Merci à vous aussi. Je me trouve en présence du coach U15, Sébastien. Alors aujourd'hui, premier match à 11, donc première défaite. Explique-nous ton résumé du match. Qu'est-ce qui a manqué à tes joueurs? De l'envie. De l'envie, du combat, et agressivité, tout n'a pas été. Ça a été un match déplaisant à regarder. Ça a été un match qu'on a préparé, Bon, malgré tout, ça fait déjà 2 fois qu'on devait le jouer, on ne l'a pas joué. On l'a joué aujourd'hui, mais on n'avait pas l'envie de le jouer. Sans l'envie, on ne pourra rien faire. Donc on va remédier ça et on va repartir de l'avant pour le prochain match, espérer le gagner. Ouais, c'est bonne mentalité. Je te souhaite de tout cœur la même chose. Merci. Donc je reviendrai vers toi pour les prochains matchs, donc ouais, en espérant annoncer autre chose. Ouais. Au revoir. Au revoir. Donc voilà pour le résumé du match U15. Donc je remercie Sébastien, le coach, qui a bien voulu répondre aux questions. Donc c'est pas évident, surtout après une défaite, mais aussi les joueurs, donc Ralem et Amadou, qui était d'ailleurs le seul buteur sur cette rencontre. On passe maintenant au résumé du match suivant, opposant l'Escale à nos U17. Donc je suis avec Tom, arrière de l'équipe U17. Tom, par rapport au match de la semaine dernière où vous gagnez contre la SMOC, qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce qui nous a manqué, c'est la tactique. On n'était pas assez à nos postes et on a joué un peu assez perso. Et voilà, hein, ils étaient un peu meilleurs que nous. Ils ont joué en 1-2. Ils étaient meilleurs que nous, globalement. Donc là, c'est la fin de vos matchs amicaux. Vous reprenez dans 15 jours les matchs de championnat. Qu'est-ce que vous pouvez nous promettre, nous, supporters, pour les prochains matchs ? On va essayer de travailler ça à l'entraînement et on va essayer de corriger ce qu'on n'a pas bien fait aujourd'hui. Et on va donner le meilleur pour les matchs de championnat. Autour de Mehdi, buteur sur cette rencontre. Donc même question que Tom. D'après toi, par rapport au match de la semaine dernière, qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui ? Ce match-là, on était mal joué collectivement par rapport au match contre la SMOC. Contre la SMOC, on les a bien dominés, on avait gardé la balle, on a fait un bon premier mi-temps, on a réussi à marquer un but. Là, contre l'Escale, on avait un peu joué perso, on jouait pas la balle, on s'écartait pas. Ils étaient mieux que nous tactiquement, et voilà. Et qu'est-ce que toi tu peux attendre ou quels sont tes objectifs pour le reste de la saison ? Moi, les deuxièmes ou les premiers, Inch'Allah, pourquoi pas. Bonjour, je me trouve en présence de coach U17 Xavier. Malheureusement, il a eu une petite défaite aujourd'hui 4-3 face à l'équipe de l'Escale qui joue en championnat U17 Elite. Donc, il va nous expliquer un peu ce qui s'est passé et si le résultat le satisfait ou pas. Xav, qu'en as-tu pensé ? Alors, c'est le second match qu'on fait avec une U17 Elite de. Donc on a joué la semaine dernière à la SMOC et on avait réussi à gagner 2-0. Donc là c'était l'Escale cette fois-ci qui se présentait face à nous. Donc c'était un match très intéressant avec malgré tout une super animation offensive, j'ai trouvé, de la part de l'Escale. Nous avons eu un peu de mal défensivement, ça s'est vu puisqu'on a pris 4 buts. On a fait pas mal d'erreurs qui on a un peu donné ses buts quelque part. Et dans l'animation offensive, on est encore défaillant, j'ai envie de dire. Donc il y a tout ça à travailler. Et après, ça reste quand même des confrontations serrées. On est dans le coup à chaque fois. On a mis 5 buts pour en encaisser 4 face à deux équipes de U17 Elite. Donc on est un peu dans le coup, mine de rien, donc il y a du positif à en tirer malgré tout, mais il faut vraiment le point noir, c'est vraiment l'animation offensive qu'il faut revoir. Donc j'imagine que ce sera votre prochain axe de travail à l'entraînement d'animation offensive chez les U17. Voilà, d'autant plus que Tony et Frédérico nous ont rejoints, donc on va pouvoir travailler ça avec eux pour les amener pour les amener plus souvent devant le but et conclure plus facilement. D'accord, merci à vous Xavier et belle continuation pour avec l'équipe U17 pour ces résultats très encourageants. Donc voilà pour les U17. Donc merci à Xavier le coach, à Mehdi et Tom qui se sont prêtés aux interviews et qui ont répondu honnêtement ce qu'ils pensaient vraiment sur leur match, sur leur défaite face à l'Escale. Pour les U17, donc les buteurs Mehdi qu'on a entendu, et il y avait aussi Walid et Youssef, donc bravo à eux pour leur but. Et on va passer maintenant au dernier match, donc le fameux classico entre l'Union et le Deportivo qui s'est terminé sur 1-0 hier. Donc on entendra Hugo et Dorian, deux défenseurs centraux, et aussi le coach David à la fin. Alors bonjour, je suis avec Dorian, vice-capitaine de l'Union portugaise. Il y a eu le derby, ça s'est soldé sur un 0-0. Quelles sont vos impressions d'après-match? Bonjour à tous. Alors aujourd'hui le derby contre le Deportivo. Donc on le sait, hein, c'est toujours des matchs compliqués avec beaucoup de monde qui se déplace, de l'intensité, et puis voilà, de l'envie des deux côtés, des occasions tout le long du match des deux côtés. Ça se solde par un 0-0. On va dire que c'est le reflet du match, c'est mérité. Je pense que les deux équipes ont bien joué, les deux équipes ont proposé, ont bien défendu aussi. Et voilà, ça se solde sur un match nul. On prend un point et voilà, on verra la suite de la saison. D'accord, merci. D'un point de vue personnel, vous avez pu sauver quand même par deux fois votre gardien. C'est un moment toujours un peu spécial, ça, non? Ouais, deux sorties sur la ligne, c'est important, une à la dernière minute ou deux dernières minutes, donc c'est important, ça fait du bien, ça fait du bien au moral. Et voilà, c'est pas le plus important, mais ça fait plaisir. En tout cas, bravo à vous pour ne pas avoir encaissé de but face à une belle équipe du Deportivo. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, hein, peut-être. Bonjour Hugo. Bonjour. Deuxième défenseur central après Dorian, prestation solide, aucun but, des fois il s'en est fallu peu, faut aussi savoir le reconnaître. Qu'est-ce que vous avez pensé du match? Bah, c'était compliqué, hein. C'était un derby un peu chaud, c'était compliqué, hein. Pas beaucoup de buts, pas beaucoup d'occasions, beaucoup de vent, c'était pas facile. Dans le jeu, faut être honnête, ils ont plus la maîtrise que nous. Dorian Texera, il en sauve 2-3 sur la ligne. Donc on s'en sort bien. Bon, je dirais pas que c'est un bon 0-0, mais bon, on prend le point. D'accord. Donc comme je disais à Dorian, bravo déjà pour votre prestation défensive, parce que vous avez su garder vos cages inviolées. Donc pour l'avenir, donc le programme il est simple, vous avez la SMOC en coupe, vous allez à Malesherbes et vous rejouez de nouveau contre le Deportivo dans 2 semaines. Qu'est-ce qu'on peut attendre pour ces prochains matchs? La SMOC en coupe, c'est de la coupe, hein. Ils vont tout donner, parce que Dorian et moi on est suspendus. Malesherbes, c'est un match, faut prendre les 3 points, c'est important, c'est des matchs qu'il faut gagner, c'est là où on voit si on peut monter ou pas. C'est les matchs qu'on doit gagner. Et on rejoue le Déport, la revanche, hein. Et on espère repartir avec les 3 points. Hein. On espère. Bah, on l'espère également. Merci bien en tout cas Hugo. Merci à vous. Donc, bonjour, je suis avec David, l'entraîneur de l'équipe senior. 0-0 entre le Deportivo et l'Union dans ce classique intense, mais pas de but. Vos impressions, David? Ouais, donc un derby qui se termine sur un score nul 0-0. Les deux équipes auraient pu marquer. Une première mi-temps où on a raté quelques occasions et une deuxième où le Deportivo aussi aurait pu deux grosses occasions où notre numéro 5 Dorian sauve sur la ligne. Et nous, on a mal joué les contre-attaques. On s'est retrouvé à des 1 contre 2 ou voire 3, même 1 contre 3. Et la dernière passe n'était pas là aujourd'hui. Bon, bah, un classico qui se termine sur un 0-0. Et bon, bah, voilà. D'accord. Oui, c'est dommage, effectivement. Vous avez un programme chargé. Vous recevez la SMOC jeudi, vous allez à Malesherbes et puis de nouveau classique. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce match? Ouais, bah jeudi, ouais, Coupe du Loiret contre la SMOC, hein, contre une R2, ça va être difficile, hein, surtout que il y aura quelques absents suspendus et blessés, donc on va faire au maximum, et après on enchaîne ouais, dimanche contre Malesherbes, et dimanche d'après encore le retour contre le Deportivo, donc oui, un programme chargé, donc il va pas falloir se blesser là-dessus, quoi. Très bien, bah, je vous remercie pour ce temps et ces questions. Alors bonjour. Donc voilà pour les matchs du week-end. Donc juste pour revenir sur les seniors. Donc avec leur victoire, enfin avec leur match nul d'hier, pardon, ils arrivent à remonter à la 6e place, donc juste devant Malesherbes, l'équipe qu'ils vont affronter dimanche. Donc on a toujours un match en retard. Donc il y a toujours possibilité de gratter des points et de remonter au classement. Donc le classement qui est toujours dominé par l'équipe de Villemandeur, le Mandoré qui est à la première place. Donc on va juste écouter, faire une petite pause musicale avant de passer à mes invités qui sont là aujourd'hui. Si jamais t'oublies le premier regard, tout ce qu'on s'est dit dans le fond du bar. Si jamais la vie n'est pas de mon côté, ne veut pas de nous, non, ne veut plus jouer. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps. On se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Ça ira. Si jamais tu doutes, je te fais la promesse de garder sur ta route les mots, la tendresse. On se perdra, c'est sûr, mais jamais longtemps. On se retrouvera, je suis sûr, comme un jeu d'enfant. On se perdra pour sûr, mais avec le temps. On se donnera, c'est sûr, comme dans nos jeux d'antan. Je suis tombé, tombé, tombé. Vous êtes bien sûr 100% Union. Je suis en compagnie aujourd'hui de deux joueurs U11. Donc, on est avec Gédéon et Achille, ainsi que leurs parents. Donc, je vais déjà allumer leur micro. Bonjour. Et donc, bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Donc, voilà, tout le monde est bien branché. Donc, je vais commencer avec les parents. Donc, on a le papa de Gédéon qui est là avec nous. Donc, le papa de Gédéon, Jérémy, le prénom. Oui, c'est ça, tout à fait. Pourquoi l'avoir inscrit au foot, déjà? Première question. Bah, tout simplement parce qu'il voulait faire du foot. Il avait commencé par le rugby. Il avait commencé par le rugby, je crois, à 5 ans, parce que on était parti à la fête des sports. Rencontre traditionnellement là, en début d'année. Et puis, il était trop petit pour commencer le foot. Et le rugby, il voulait bien l'accepter. Donc, il avait fait du rugby à la source. Et puis, quand il a eu, je crois, 6 ans, il a dit, je veux maintenant aller au foot. Et nous, on habite pas loin. On habite juste à côté du club. Donc naturellement, je me suis dirigé vers l'Union et puis je l'ai inscrit là-bas. D'accord, donc c'est un heureux hasard, vous ne connaissiez pas particulièrement le club. Non, je ne connaissais pas. D'accord. Et donc oui, contrairement à d'autres enfants qu'on peut avoir au foot, où c'est vraiment les papas qui insistent pour mettre le petit au foot, lui il avait vraiment envie depuis tout petit de faire du foot. Voilà, c'est lui vraiment qui avait envie de faire du foot. Quoi. Moi j'ai jamais fait de foot en club. Je suis karatéka à la base, donc voilà, je suis le foot quand il y a les Coupes du Monde, Coupes d'Afrique, après sans plus quoi. D'accord. Donc, c'est vraiment lui qui avait envie de jouer au foot. On reste quand même sur une famille de sportifs. De sportifs, oui, quand même, ouais, c'est ça. Ça marche. Et du coup, à côté de vous, donc il y a Achille et sa maman. Donc du coup, la maman d'Achille, pareil, même question. Pourquoi l'avoir inscrit au foot et plus particulièrement à l'Union Portugaise? Alors, bonjour tout le monde. Tout simplement parce qu'Achille avait très envie de foot. Ça faisait des années qu'on tentait, que son papa le poussait à s'inscrire au foot. Son papa est très footeux. Et finalement, Achille, cette année, il s'est décidé et on nous a vanté les mérites de l'Union. En fait, moi, on a nos voisins dont le petit garçon Hippolyte est déjà inscrit depuis l'année dernière. Et puis, c'était effectivement pas très loin de chez nous. Donc on a tenté le coup. Achille s'y est beaucoup plu et voilà. Il voudrait que ça soit tous les soirs, même. Voilà. D'accord, donc vous avez un bon ressenti, un bon retour de la part d'Achille, d'une part des entraînements et des matchs qu'il a pu faire déjà jusqu'à maintenant. Oui, tout à fait. Au tout début, il était un petit peu craintif au niveau des matchs, et puis plus ça avance, et plus tous les samedis, il aimerait bien que ça continue. Donc non, il y a un vrai engouement pour le foot. Et puis voilà, moi j'y connais pas grand-chose, je vous avouerai, mais son papa le soutient beaucoup. Et voilà, donc on est plutôt contents de cette belle rencontre avec l'Union Portugaise. Ouais. Ok, donc après c'est vrai que pour être accompagnatrice aussi sur les matchs, vous faites partie aussi de ces parents qui sont supporters et qui sont autour du terrain. Et c'est vrai que c'est agréable aussi pour nous, éducatrices, et je pense aussi pour les enfants, d'avoir des parents qui les soutiennent et qui les encouragent sur le bord du terrain. Bah oui, bah écoutez, c'est moi qui ferai du foot, du basket, j'ai l'habitude d'accompagner les enfants dès que possible. Hein. J'en ai trois, donc des fois, c'est vrai, il faut qu'on jongle avec mon épouse. Mais j'aime bien être autour du stade et puis encourager les enfants, montrer qu'on s'intéresse aussi à leur activité, etc. C'est important, je pense. Ouais. C'est vrai que nous, on le voit dans d'autres catégories, surtout plus on va avancer sur les catégories, notamment à partir des U13, on a beaucoup moins de parents qui accompagnent et du coup moins de personnes au bord du terrain pour les encourager. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage aussi pour eux. Mais si vous êtes là, et je pense que vous continuerez aussi si votre enfant continue. Et c'est agréable pour eux et puis pour nous aussi d'avoir des gens qui nous aident et qui nous accompagnent aussi les week-ends. Moi, je voulais juste rajouter un petit quelque chose aussi. Je trouvais que c'était très agréable d'avoir des entraîneuses dans ce monde un peu masculin. Et moi, ça m'a fait plaisir aussi de voir C'est vrai. Je ne sais pas si c'est une particularité de l'Union, mais c'est vrai que vous êtes trois filles avec Nassira qui n'est pas là. Alors, c'est peut-être particulier, non? C'est pas spécialement particulier, on en trouve de plus en plus au bord du terrain. Après, c'est sûr, on reste à l'école de foot, donc il y a des niveaux où on apprend les bases de foot, donc c'est plus facile de retrouver des filles à ce niveau-là. Après, c'est beaucoup plus dur, mais là où vous voyez au déplacement où se déplace Gédéon, qui fait partie donc, de l'équipe 1, où là, effectivement, il n'y a que des garçons entraîneurs parce qu'on demande un niveau. Et qu'il ne faut pas se leurrer, certains parents voient mal le fait qu'effectivement, une fille puisse apprendre à placer des joueurs. À la limite, on ne comprend pas le hors-jeu, mais bon, à ce niveau-là, non. C'est une particularité aussi, parce qu'on est toutes les trois, on suit toutes les codes de foot, mais effectivement, on en rencontre de plus en plus, et tant mieux. Tant mieux, tout à fait. Donc oui, c'est vrai, pour en revenir, nous, à l'Union, on a la particularité d'avoir pas mal d'anciennes joueuses de l'équipe féminine qui depuis s'est un peu arrêté, manque de temps aussi. Mais c'est vrai qu'on accompagne donc autant en tant qu'éducatrice, mais aussi on a souvent pour la buvette ou pour tout ce qui est gestion des maillots ou gestion des goûters, on est toujours aidé par des anciennes joueuses qui faisaient partie, donc, comme je l'ai dit, de l'équipe féminine. Et c'est vrai que contrairement à d'autres clubs où ça reste exclusivement masculin, c'est vrai que nous on s'est un peu ouvert, et notamment sur les catégories les plus jeunes, on a un peu ouvert plus la porte aux filles. Après, dans une certaine mesure, ça peut rassurer certains parents d'être accompagnés plus par des filles que par des garçons. Après, je pense qu'on a montré qu'on avait les capacités pour le faire. Et puis après, voilà, c'est vrai que nous, plus on veut rester un peu plus sur le foot à 8. Après, sur tout ce qui est foot à 11, c'est vrai qu'on a plus tendance à laisser les gars gérer, parce qu'après, les enfants ont aussi un autre caractère. Donc, c'est vrai que c'est un peu moins facile de pouvoir les gérer. Donc, on va juste passer maintenant le micro aux enfants, donc les joueurs de l'Union. Donc, on va commencer avec Gédéon. Donc, Gédéon, toi, tu es à l'Union déjà depuis 2017. Donc, tu as fait tes premières classes en U6. Donc, comme disait ton papa, toi, tu avais envie vraiment de faire du foot ? Oui. Depuis longtemps ? Oui. Depuis quel âge ? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans, il tapait déjà dans le ballon. Ouais, il voulait jouer au football. Dès qu'il y avait un ballon, il aimait bien essayer de jongler assez tôt, quoi. Il s'est tourné comme ça naturellement vers le football. Même s'il a pratiqué, il pratique d'autres sports à côté du foot, mais il aime bien le foot. Oui. Après, c'est vrai que nous, à l'Union, on accepte les enfants qu'à partir de 5 ans, il faut qu'ils aient vraiment 5 ans révolus. Donc c'est sûr que plus tôt, on ne peut pas les prendre. C'est pas parce qu'on veut pas, mais c'est vrai que ça fait une charge de travail supplémentaire. Mais du coup, lui, il a commencé donc en U6, donc ça va faire la 6e année là pour Gédéon. Comment toi tu vois ton évolution au sein du club ? Bien. Comment ça se passe ? Tu te sens bien dans ton équipe ? Je me sens bien. T'as pas eu trop de difficultés à passer du foot à 5, donc jusqu'en U9, au foot à 8 ? Non, ça va. Ça va. Donc après, bon, pour ceux qui le connaissent pas, mais Gédéon, il a un profil athlétique, donc c'est sûr que la course ne le fait pas peur, mais il y a eu aussi une transition. Donc comme on le disait tout à l'heure, pour la transition entre les U13 et les U15 qui passent d'une moitié de terrain et un grand terrain, là pareil, les U9, donc jusqu'à 8 ans, ils jouent sur un quart de terrain, du coup, on est sur du 30 par 40 mètres, et c'est vrai, quand on doit les faire passer sur un terrain 8, la transition est pas évidente pour beaucoup d'entre eux, surtout ceux qui ont un peu plus de difficultés physiques, puisque du coup les allers-retours sont un peu plus exigeants. On leur demande plus aussi d'être un peu plus physique, et du coup c'est vrai que pour certains c'est compliqué. Bah, pour Gédéon c'était pas le cas, puisqu'il a pas mal de coffres, donc c'est sûr que c'était pour lui, je pense que c'était assez simple, même si du coup il a été surclassé. Donc pareil, on a toujours la possibilité de faire jouer des joueurs d'une catégorie inférieure dans une catégorie supérieure. Donc là, c'était son cas l'année dernière. Gédéon, toi, tu peux nous dire à quel poste t'évolues ? Moi, je suis milieu droit. Ça te plaît de jouer milieu droit ou t'aimerais bien essayer un autre poste ? Non, moi, je préfère être milieu droit, moi. D'accord. Et milieu gauche, non ? Bah, au début quand je jouais à 5, j'étais milieu gauche, mais... Après, en U11, j'ai été milieu droit. Et est-ce que tu trouves ça plus exigeant maintenant de... comment dire, depuis qu'on est... Donc là, on est monté en niveau 1, donc avec les U11, effectivement, l'exigence est plus difficile puisque les matchs sont plus compliqués. Est-ce que tu ressens un peu de pression avant les matchs ou pas forcément Que des fois, mais pas souvent. D'accord. Donc toi, tu stresses pas, quoi ? Non. Non, ça va. C'est vrai que naturellement, il est pas trop stressé. Puis, mais, comme je le disais, aussi, il fait d'autres sports à côté. Il a fait aussi du karaté. Comme moi, je suis prof de karaté, donc il a commencé par le karaté. Il a fait aussi un peu de compétition en karaté. Il fait du judo. Il fait un peu de compétition en judo aussi. Donc, il a quand même l'habitude d'un peu des challenges, quoi. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ok. Et toi, Gédéon, dans les entraînements, pour toi, qu'est-ce qui est le plus difficile ou le plus chiant, on peut le dire aussi, parce qu'il y a des fois, on vous demande peut-être de faire des choses que vous appréciez pas trop, mais bon, faut les faire. Donc là, t'as le droit de le dire. Et tu feras pas plus de tours de terrain que pour ça, donc tu peux le dire, vas-y. Dis ce que Nas te fait faire et que tu veux pas faire. Qu'est-ce qui est dur ou qu'est-ce qui t'embête le plus? Le suicide. Qu'est-ce que c'est le suicide? Donc, oui, alors pour les gens qui ne connaîtraient pas, on ne leur demande pas d'aller se suicider. Non, c'est des exercices physiques où on leur demande un peu d'aller au-delà de leur capacité, évidemment. Et donc ça, c'est vrai que... Bon, il y en a quelques-uns qui aiment bien, mais la plupart, je pense que quand ils voient les plots alignés pour la préparation des suicides, déjà, ils savent... et on voit à leur tête que ça ne va pas forcément leur plaire. C'est les diagonales, non? C'est ça? Ça ressemble un peu aux diagonales, oui. D'accord. Et donc, une petite dernière question pour toi, Gédéon. Est-ce que toi, dans ton objectif, parce qu'il y a plein d'enfants, quand on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard, il y en a beaucoup qui répondent joueur de foot. Est-ce que toi, ça peut faire partie de ce que tu as envie de faire ou pour toi, le foot, ça sera vraiment qu'un sport que tu pratiqueras comme ça sans forcément vouloir devenir professionnel? Moi, j'aimerais bien devenir professionnel. T'as quelqu'un, t'as un joueur de foot que t'admires ou que t'aimes vraiment beaucoup? Ronaldo. Ah, bon, t'es pas à l'Union Portugaise pour rien, c'est bien. Donc on va juste faire une petite pause musicale, une chanson d'ailleurs que les enfants là, qui sont ici présents m'ont demandé, que je connaissais pas d'ailleurs. Et on revient tout de suite avec Gédéon, Achille et leurs parents. Baby bet, ayy, couple X, ayy, couple Grammys on him, couple plaques, ayy, that's a fact, ayy, throw it back, ayy, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo. Funny how you said it was the end, yo. You know we did it again, yo. I told you long ago, on the road, I got what they waiting for, I'm running from nothing, dog. Get your soul. For a bit of some queer, huh? But these nigga bitches let me deal, yeah. Hey, oh, let do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up, and everybody trying to sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion. So clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass sheet. City talking, we taking notes. Tell him all to keep making posts. Wish he could, but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control. Said I would and I made it so. I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? Hey, I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Donc vous êtes bien sûr 100% Union. On a aujourd'hui deux joueurs de l'équipe U11, Achille et Gédéon, ainsi que leurs parents respectifs qui sont avec nous, et Samantha qui est là aussi. Donc on a discuté brièvement avec Gédéon et son papa juste avant la pause musicale. Donc là, on va faire la même chose avec Achille. Donc Achille, à ton tour. Donc toi, Achille, t'es gardien de but, c'est ça ? Au début, j'ai pas voulu faire du tout du foot. Et en fait, papa et maman, ils voulaient m'inscrire à un sport en dehors de l'école. Et il y a du coup Hippolyte qui nous a parlé de l'Union portugaise. Et avant ça, en fait, je suis partie en vacances. Il y avait un city stade et j'ai joué au foot et ça m'a plu. Du coup, c'est comme ça que j'ai aimé le foot. Et j'aime bien le foot depuis pas longtemps, du coup, et j'aime bien. Et du coup, t'as voulu tout de suite être gardien ou pas forcément? Gardien, en fait, c'est que avant, je regardais des matchs et je trouvais que celui qui faisait le plus d'efforts, c'était le buteur. Et au début, comme j'étais pas maître, je me disais, c'est gardien parce qu'il court pas trop vite. Ah, t'es feignant en fait, tu voulais pas courir quoi. Il a trouvé la bonne planque. C'est ça. Et après, ça m'a plu, c'est trop bien d'être gardien en vrai. Et au final, c'est la planque ou t'as des responsabilités quand même? Ah, j'ai des responsabilités parce que si le ballon arrive, c'est moi qui dois gérer quoi. Et on me dit souvent ça, c'est dès que je fais une. Dès que je fais une erreur, payes. Je fais la paye et il y a but, quoi. Oui, il n'y a personne derrière toi pour rattraper, ça c'est sûr. C'est ça. Donc ça te met une pression supplémentaire d'être au but ou pas forcément? Ça me fait une grosse pression parce que, voilà. Donc tu stresses beaucoup avant les matchs ou... Oui, du coup, je stresse énormément. Ah bah tu vois, ça se voit pas quand on te voit dans les vestiaires. C'est vrai que... Après, on reste sur du foot un peu loisir, surtout pour l'équipe 2 et l'équipe 3, donc faut pas se mettre non plus une pression trop énorme sur tes épaules. Après c'est sûr que étant le gardien de but, c'est sur toi que repose un peu le résultat, enfin en tout cas qu'on se prenne pas de but, mais dans tous les cas, comme nous on dit aux joueurs qui sont sur le terrain, avant que le ballon arrive sur toi, il est passé par le milieu, il est passé par la défense, donc après tu peux pas non plus être le sauveur. Oui. Donc même question que Gédéon tout à l'heure, sur les entraînements ou sur les matchs, qu'est-ce qui t'embête un peu ou qu'est-ce que tu n'aimes pas trop faire et que tu dois faire parce qu'on te le demande? Moi ce que j'aime bien, enfin ce que j'aime pas, c'est courir. Donc c'est pour ça que tu avais choisi gardien, on a compris. C'est ça. Ouais, j'aime bien les entraînements le mardi, c'est le mardi que je m'améliore le plus parce que il y a entraînement gardien le mardi et pas le jeudi, et voilà. Donc ouais, effectivement le mardi on a un peu plus de spécifiques gardiens, donc où Samantha prend tous les gardiens de l'école de foot, donc qui commencent de U7 à U13, et c'est vrai qu'ils ont pendant 45 minutes voire une heure vraiment que de spécifiques gardiens. Et après, c'est vrai que sur les autres séances, donc la séance du jeudi, ils sont un peu plus intégrés au groupe de manière à faire les exercices aussi que font les autres joueurs. Parce que même si tu es gardien, tu restes quand même un joueur de foot. Donc, tu dois être aussi amené à jouer avec tes pieds. Donc, est-ce que pour toi, c'est compliqué de jouer avec les pieds? Des fois oui, des fois non. Parce que c'est plus dur... Quand les défenseurs ils me font la passe, comme j'ai pas le droit de la prendre à la main, je suis un peu stressée parce que je joue pas très bien au pied. Enfin, je suis pas comme Gédéon qui arrive à faire des dribbles. Moi, je me débarrasse de la balle. Et je suis gardien, je me débarrasse de la balle comme dit Samantha, et après je laisse faire travailler au buteur ou au défenseur au milieu. Après, c'est sûr qu'on va pas te demander d'aller dribbler tous les joueurs, mais c'est sûr, si déjà t'arrives à, à enlever un peu ce stress et pouvoir jouer proprement avec tes joueurs devant, c'est sûr que déjà ça sera un bon truc. Donc c'est ce qu'on travaillera aux prochains entraînements. Donc je vais en profiter vu que Samantha est là et qu'elle t'a un peu plus que, enfin qu'elle te voit un peu plus particulièrement que nous, puisque du coup c'est elle qui fait l'entraînement spécifique gardien. Donc Samantha, ton avis toi sur notre gardien Achille? Bah, Achille, c'est sa première année, donc effectivement, il évolue très vite, puisque les bases à son âge, soit on les acquiert vite, soit effectivement, faut travailler. Il est arrivé avec zéro base, donc c'est bien, on n'a pas à effacer des mauvais gestes et des habitudes qu'il aurait pu prendre ailleurs et à rectifier. Donc, du coup, on lui apprend directement de bons gestes. Et comme il est très volontaire, donc du coup ça fuse très vite dans sa tête. Donc ça c'est très pratique parce qu'il évolue très vite. Et c'est vraiment la première année où on voit quand même la différence avec un coaching gardien où il y a beaucoup de bases qu'on prend et dès qu'il les avale, ils peuvent les répéter. Donc après voilà, c'est une évolution à faire. C'est le jeu au pied, les relances mains et les relances au pied, puisque ça. C'est la partie la plus compliquée après pour des enfants qui veulent absolument être gardiens. Ils sont un peu kamikazes dans leur tête, donc ils plongent volontairement, mais mettre les pieds, c'est un peu plus compliqué pour eux. Tu vois, enfin, tu sais, Achille, désormais, les axes de travail que Samantha va vous faire travailler du coup aux prochains entraînements. Oui. Donc toi, je pense, tu ne vas pas me répondre pareil que Gédéon, carrière de footballeur ou pas forcément? Au début j'avais plusieurs métiers, mais maintenant j'aime bien le football, donc oui. Ah d'accord, donc on a peut-être deux futurs footballeurs avec nous. Et peut-être. Sinon, peut-être, ouais. Et si, enfin, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous les deux. Et sinon, si tu fais pas carrière dans le foot, tu partirais sur quoi? Alors là, je crois que c'était maître nageur, mais pas maître nageur de piscine. Être nageur dans la mer, c'est plus cool. Ah oui, d'accord, pour les vacances, quoi, ouais. C'est ça. En fait, oui, c'est vacances, je cours pas au foot. Voilà. Il essaie de joindre l'agréable. C'est ça, tout le temps. Et le boulot. Mais en vrai, j'aime bien l'école. Hein. Oui, donc tu peux être aussi prof de sport, par exemple. Oh oui, ça, oui. Ça se pourrait aussi. Ouais, j'aime bien enseigner à maman... Le foot. Ah, tu lui donnes des cours. Eh ben, écoute, bientôt elle pourra rejoindre aussi l'équipe des filles. Du coup, elle viendra s'entraîner avec nous. Elle s'entraînera avec nous. Ouais. Oui. Juste pour tous les deux, là, Achille et Gédéon. Mm-hmm. Enfin, on vous en a déjà parlé et puis on en a déjà parlé aussi un peu à la radio. Donc, on a un projet là pour l'équipe U11, enfin pour deux équipes U11, c'est un tournoi donc en Vendée. Est-ce que vous deux particulièrement, est-ce que d'une ça vous intéresserait, ça vous plairait de pouvoir y participer? Et la deuxième question, si vous pouvez y aller, parce que du coup on ne pourra pas emmener tout le monde, donc il y aura forcément un choix à faire, mais si on y va, quel est l'objectif, pour vous, quel est l'objectif sur ce tournoi? Donc je vais commencer avec Gédéon. Moi, au tournoi, est-ce que tu aimerais bien y aller ou pas? Oui, moi j'aimerais bien y aller parce que là-bas, déjà c'est un camping 4 étoiles. Et puis il y a une piscine avec des toboggans. Non, mais sinon on joue au foot. Hein. Je sais pas si t'as prévu ça dans ton week-end, mais c'est pas que le club m'aide. On joue au foot. Et aussi gagner le championnat au bord de la mer. Le tournoi, gagner le tournoi? Oui. Ok, ça serait une bonne coupe à ramener, c'est sûr. Et toi, Achille, t'entraîner à être maître nageur, c'est ça? en vrai, au début, j'avais pas trop envie parce que il y avait une ancienne colo quand j'avais 6 ans qui s'était pas très bien passée. Et puis maintenant, je me suis rendu compte que c'est cool avec le camping de 4 étoiles que Gédéon nous a dit. Ça motive. C'est ça. Et Bah, du coup, ouais, je suis chaud. Et à tous les joueurs qui nous entendent là-bas, on va gagner. je suis pas sûre. Si vous entendez, mais bon. En tout cas, on leur passera le message. On leur dira qu'effectivement, on y croit. En tout cas, bah, c'est sûr que... l'objectif, c'est un peu aussi de faire plaisir aux enfants et de leur faire voir quelque chose de différent. Et un tournoi en Vendée, voilà, c'était ce qu'on voulait leur proposer. Mais après, c'est sûr qu'on n'y va pas non plus que pour faire de la figuration et pour aller profiter de la piscine, du camping et la mer à côté. C'est vraiment leur montrer que oui, on peut aussi faire quelque chose. Et on espère vraiment venir avec un bon résultat pour les deux équipes qui y participeront. Donc je vais m'adresser maintenant aux parents. Est-ce que depuis qu'on a annoncé l'organisation de ce tournoi, est-ce que on vous bassine un peu à la maison ou pas forcément ? Au début un petit peu. Au début, c'est vrai, dès qu'il a entendu parler du tournoi, du camping, il a vu des photos, il était content quoi. Mais après, voilà, c'est quand même dans plusieurs mois. Donc c'est là, ça. Ça s'est tassé un peu. Tassé, voilà, tout à fait. Et donc, oui, très enthousiaste effectivement quand on a vu l'hébergement et tout ça. Mais c'est vrai que comme dit le papa de Gédéon, les enfants ils sont vraiment à l'instant présent. Donc je pense qu'on en entendra bien parler mois de juin. voilà. Mais oui, ils sont super contents en tout cas de cette idée quoi. Donc c'est après, c'est enfin, sympa de vous organiser ça. Ouais, ça s'était déjà produit il y a quelques années, mais alors là, on avait vu un peu un plus grand. On avait emmené une équipe, un tournoi international au Portugal. Donc là, ça demandait quand même beaucoup plus d'organisation et c'était un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Et du coup, ça s'était bien passé pour les enfants. Ils avaient bien aimé. Après, sportivement, c'était un peu plus compliqué parce qu'ils étaient. Ils avaient dû affronter des très grosses équipes portugaises, donc notamment l'équipe du Sporting. Donc c'est une équipe qui est au haut de tableau. Et donc ils avaient eu pas mal de défaites, mais c'est vrai que là encore des joueurs que je croise à l'Union, qui sont encore à l'Union et que on leur en parle, et ils ont vraiment gardé un très bon souvenir. Donc nous, c'est aussi l'objectif, c'est que les enfants voient autre chose et qu'ils aient aussi des moments de convivialité autres que juste les heures d'entraînement et qui crée vraiment une cohésion de groupe quoi. C'est vrai que c'est important pour le collectif d'organiser ce type d'événement. C'est vrai que ça leur permet aussi de laisser les parents à la maison et de vraiment d'être vraiment que avec les copains, donc je pense que ça peut être vraiment une bonne expérience. Ouais, de fédérer je trouve que pour ma part, c'est ce qu'on avait remarqué aussi par rapport au stage d'hiver, en octobre, je crois. Oui, en octobre, ouais, le salon à Toussaint. Voilà, et on avait déjà remarqué que c'était comme une petite famille. Il y a déjà cette union, qui, je trouve, et enfin, pour ma part, me plaît beaucoup. On sent que les enfants, enfin, progressivement se lient de plus en plus, et puis, encore une fois, avec vous et qui coachiez, je trouve qu'il y a une bonne entente, et c'est ce qui donne envie de participer encore plus. Et donc, pour ce tournoi aussi, quoi, évidemment. Donc oui, alors après, c'est vrai que nous, le nom de l'association, c'est l'Union portugaise, mais c'est vrai qu'on retiendra surtout l'Union, parce que des Portugais, il y en a plus trop dans le club, et quelques-uns encore en senior, mais c'est vrai que sur les autres catégories, on n'est vraiment pas du tout en majorité. Mais je pense que le terme Union résume bien un peu la mentalité du club et un peu, nous, les valeurs qu'on essaye aussi de transmettre aux joueurs de nos différentes équipes. Il est 18h53, donc on va pas tarder à rendre l'antenne. On va juste passer donc la deuxième musique qu'on nous avait demandé. Donc c'est Sapé comme jamais de Maître Gims. Ensuite, avant de terminer, donc on aura le programme de la semaine qui arrive. Donc c'est pareil, encore donc les vacances scolaires. Donc c'est une semaine pas très chargée au niveau des matchs qu'on aura pendant la semaine. Et juste avant de partir, on aura les anniversaires qu'on souhaite cette semaine, donc il n'y en aura pas beaucoup non plus. Donc on fait juste une petite pause musicale et on revient tout de suite. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, me guico lambo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Eh ouais, ma puce, là tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, oui, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, oh les mains, oh les mains. Sauf les mecs, ça fait en bas les mains. Bas les mains, bas les mains. les mecs s'appellent en bas les mains, bas les mains, bas les mains, bas les mains, ça roule façon Aladdin. Passe avant minuit, je vais faire vivre un dream. Avant sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma, ma, ma, ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. La fin de l'émission approche. Je vais donc juste en profiter pour souhaiter donc les anniversaires. Donc demain, nous fêterons l'anniversaire d'Antoine, donc un joueur senior. Et jeudi, ça sera au tour de Nathan, donc un joueur U17 qui était donc sur les terrains samedi. Et j'en profite juste pour faire aussi un petit bonjour à mon papa. C'était son anniversaire hier, donc un des grands supporters de l'équipe féminine de l'Union portugaise. Donc Samantha, on va maintenant voir avec toi le programme pour la semaine qui arrive, donc à savoir qu'il y aura un match de coupe qui s'est faufilé dans la semaine. Donc Samantha. Oui, tout à fait. Donc jeudi là, 19h30, du coup les seniors rencontreront la SMOC en match de coupe du Loiret, donc à Lille Arrows directement, donc 19h30 pour ce match. Donc c'est juste, je te coupe deux secondes, c'est une grosse affiche pour l'Union portugaise, donc qui va affronter une équipe qui joue en régional. Donc ça va être un match difficile. Le coach l'a dit, on n'a pas trop d'objectifs pour cette coupe du Loiret, mais bon, si on arrive à passer en quart de finale, ça serait super. Après, au niveau des U13, donc ils partent donc en déplacement à l'AI en Val pour l'AI Beaugency Lusitanos. Donc ça, ce sera samedi 19 à 14h. Les seniors réserves se déplacent donc à Main-sur-Loire à 12h30 dimanche. Et de nouveau, nos seniors équipe première se déplacent à Malesherbe contre le Malesherbois le dimanche 20 à 15h. Voilà pour le programme de la semaine. Donc pour les catégories jeunes, donc entraînement, donc nous pour les U11 que le jeudi, les U13 s'entraînent pareil mardi et jeudi. Bonnes vacances à tous ceux qui ont encore la chance d'être en vacances. Et donc je tiens à remercier mes invités du jour. Donc Gédéon, Jérémy, son papa, Achille, sa maman et Samantha qui sont avec nous aujourd'hui. Je leur dis pour la plupart à jeudi à l'entraînement et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et on se retrouve lundi pour un prochain numéro de 100% Union. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur l'Union, c'est ici le lundi sur Arc-en-Ciel de 18h à 19h. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.